Je me promenais dans le petit bois joli, fleuri de lilas. Dans mon grand panier plein de champignons, myrtilleux et mûres et colimaçons. Le gros loup, le gros loup, le très gros loup. Le gros loup, le gros loup, le très gros loup. Le gros loup, le gros loup, le très gros loup. Le gros loup, le gros loup, le très gros loup. Je me promenais dans le petit bois fleuri, fleuri de lilas. Dans mon grand panier plein de champignons, myrtilleux et mûres et colimaçons. Le gros loup, le gros loup, le très gros loup. Il est vraiment très gros ce loup-là. Il est au-dessus de nous, il est au-dessus de tout. Il est très gros, très gros, très gros. Le gros loup, le gros loup, le gros loup, le gros loup, le gros loup. Attention, jeune à la hache. Achtung, schnell, Herr Oberschmidt. Führer! Führer!